Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons voir la grande événement de la résurrection. Comme on a vu hier que sa mort et sa mise dans le sépulcre devaient être confirmées afin qu'on soit bien sûr que la justice de Dieu avait été satisfaite par la mort de son fils Jésus. Il devait mourir physiquement. Pour que nous puissions, nous, être sauvés de nos péchés. Mais la résurrection, elle aussi, était un événement primordial et un événement qui devait venir confirmer que la justice de Dieu avait été satisfaite par la mort du juste, par la mort du roi juste, par la mort de son fils unique, par la mort de cet être humain à 100%, mais qu'on a vu ensemble, qui était aussi le Fils de Dieu, qui était Dieu. Les deux étaient là, et cet homme, Dieu, devait subir la mort afin de sauver son peuple de ses péchés, comme il avait été dit au chapitre 1 à Joseph. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais comment savoir si Dieu a accepté ce sacrifice-là, si la mort a effectivement payé la dette de nos péchés, si la mort de Jésus a vraiment justifié, ou comme il est dit dans Romains, calmer la colère de Dieu, ou si cette mort de Jésus a vraiment satisfait la justice de Dieu, ben c'est la résurrection qui démontre ça. Donc, nous allons lire, si vous voulez bien, chapitre 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Il s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Premièrement, nous avons au verset 1, le moment de sa résurrection, ou le jour de sa résurrection, c'est à l'aube du premier jour de la semaine, qui était dimanche. On a vu qu'il est mort le vendredi, il est dans la tombe le jour du sabbat, et à l'aube, au commencement de la journée, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc, les deux femmes ont fait ce qui était demandé par le sabbat. Et le lendemain matin, dès très tôt le matin, ils s'en vont vers le sépulcre pour voir si tout est en ordre. Parce que eux autres ont vu tout ce qui s'était passé. Eux autres ont vu où est-ce qu'on l'avait mis. Eux autres ont vu qu'il y avait des soldats en place. Donc, ils se dirigent vers le sépulcre pour voir si tout est correct. Et voici, comme il arrive près du sépulcre, il y a un grand tremblement de terre encore une fois. Et qu'est-ce qui a causé ce tremblement de terre-là? C'est l'arrivée d'un ange du Seigneur qui descend du ciel et il roule la pierre et il s'assit dessus. Comme je me connais, je suis pas ben brave le matin ou le à noirceur ou à l'aube quand c'est tout un peu sombre encore et tu t'en vas entre guillemets dans un cimetière hein, et là t'entends la terre shaker et un ange du ciel descend. Il roule la pierre et s'assied dessus. L'aspect au verset 3 de l'ange, il est comme l'éclair. Ça veut dire que c'est vraiment brillant, surtout dans la nuit, ou à l'aube. Et son vêtement est blanc comme la neige. Donc ces femmes-là voient ça, entendent ça, ressentent ça, parce qu'il y a un tremblement de terre. Ils voient les gardes qui tombent par terre de peur, et ils deviennent comme morts. Donc ça, c'est le spectacle que les deux femmes voient, entendent, ressentent. Je comprends que l'ange est obligé de leur dire, ne craignez pas. Donc, comprenons bien ici. C'est le ciel qui le déclare ressuscité. C'est pas les femmes. C'est pas les soldats, c'est pas les pharisiens, c'est pas les autorités, c'est pas les disciples, parce qu'eux autres n'étaient pas, on pourrait dire, ils sont pas impartiales. On va voir tout à l'heure que les soldats vont dire qu'il est ressuscité, mais qu'ils vont compter des mentres à son sujet. Donc, ils sont pas impartiales. Mais les disciples sont pas impartiales non plus. On pourrait dire, ah oh, ouais, c'est les disciples qui disent ça. Mais ici, c'est un ange de Dieu. Un ange du Seigneur qui est descendu du ciel, donc c'est le ciel qui envoie un messager. Vous savez que le mot ange veut dire messager. Et il déclare Jésus vivant. Parce qu'il dit au verset 5 aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Et il le répète au verset 7, dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Donc, le ciel déclare, un ange de Dieu déclare que le Fils de Dieu est bel et bien ressuscité. Ça devrait nous suffire. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que la science dit, peu importe ce que les soldats disent, peu importe ce que les autorités disent, peu importe ce que les disciples disent. L'ange de Dieu amène un message de la part de Dieu. À moins que le verset 2, quand il dit un ange du Seigneur, le mot Seigneur pourrait peut-être vouloir dire Jésus lui-même. Mais j'irai plutôt dans la direction de Dieu. Donc, c'est vraiment important qu'on réalise que c'est l'ange qui déclare Jésus ressuscité. Et le message qu'il donne aux femmes, au verset 6, venez, regardez dans le sépulcre, je crois qu'ils l'ont fait, ils sont allés proches, ils ont regardé à l'intérieur et avaient plus de corps. Il était vide le sépulcre. Donc ils constatent de leurs propres yeux que Jésus n'est plus là. Et il y a un message pour les disciples, il dit, allez dire à ses disciples qu'il va s'en aller en Galilée et c'est là qu'ils vont le voir. Parce qu'à la fin du chapitre 28, on va aller voir Jésus apparaître à ses disciples en grand nombre et c'est en Galilée que ça se passe. Donc, il leur dit, allez dire aux disciples que Jésus va les voir en Galilée. C'est intéressant que l'ange dise aux femmes, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Si vous ne cherchez pas Jésus qui a été crucifié, il dit, vous pourriez craindre comme les soldats qu'il y a là. Mais n'ayez pas peur. Le message que j'ai, c'est un message positif, c'est un message de libération. Le Fils de Dieu est bien ressuscité comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Il l'avait prédit qu'il ressusciterait le troisième jour. Et pendant qu'ils s'en vont en courant vers les disciples pour leur donner le message de l'ange, ils sont remplis de crainte, oui, à cause de l'événement qu'ils ont vu, mais ils sont remplis de joie aussi, parce qu'ils ont bien vu que le tombeau était vide, et ils savent bien que c'est un phénomène de divin, un phénomène de Dieu, que l'ange est venu, et ils croient au message qu'ils ont reçu. Jésus est bel et bien ressuscité, comme il avait dit. Donc, sont dans la crainte à cause de l'événement, mais sont dans la joie parce que leur maître, leur Jésus, leur sauveur, leur Seigneur est ressuscité. Et pendant qu'ils s'en vont, ils rencontrent Jésus, ou Jésus vient à leur rencontre, et ils le voient, et ils le reconnaissent, et ils tombent à ses pieds, et ils l'adorent. Ce sentiment intérieur d'adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas de se mettre à genoux. L'adoration, ce n'est pas un paquet de choses qu'on peut faire. L'adoration, c'est ce qui vient à l'intérieur de nous. C'est le sentiment ou la conviction intérieure. Pas juste sentiment, parce que le sentiment est toujours causé par une vérité. On admire, on est en extase, on est émerveillé devant la personne de Jésus. Et il le voit, il est bien là, il est ressuscité. Et il l'adore. Il l'adore. C'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. Je crois que ces femmes-là saisissent à ce moment-là certaines vérités. Je suis pas sûr qu'ils sont prêts à dire c'est Dieu fait chair puis c'est la Trinité tout ça. Non non non. Mais ils sont tellement émerveillés devant cet homme qu'ils ont connu pendant 3 ans, qu'il était vraiment mort, qu'ils l'ont vu mettre au sépulcre. Et les coups, ils le voient vivant. Puis ils sont tous émerveillés de cela et ils adorent cet être-là qu'ils ont devant eux. Ils le touchent. Ils ont vu que c'était vide. L'ange a dit qu'il était ressuscité, et maintenant, eux, ils le voient de leurs propres yeux, et ils le touchent de leurs propres mains, ils saisissent ses pieds, et ils l'adorent. Donc, les yeux, le toucher, les oreilles, tout l'être humain est impliqué dans le fait qu'il est vraiment là. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons entendu parler, et parce que tout est vrai. Tout est vraiment vrai. C'est pas une illusion, c'est pas une apparition, c'est vraiment un corps de matière qui est là devant eux. Pendant qu'ils s'en vont, au verset 11, les disciples, les soldats, eux autres vont faire quelque chose pendant ce temps-là, et nous allons le lire, si vous voulez bien. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous nous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc, pendant que les femmes s'en vont vers les disciples, pendant que Jésus rencontre les femmes, quelques hommes, c'est pas tous les soldats, mais quelques hommes parmi la garde, s'en vont en ville, vont voir les autorités qui leur avaient demandé de garder le tombeau, et ils racontent aux autorités en place ce qui était arrivé. Donc, ils ont raconté le tremblement de terre, l'ange qui est descendu, qui était d'une clarté, d'une blancheur merveilleuse, ils racontent tout ça. Parce qu'ils sont pas morts, mais ils sont comme morts. Est-ce qu'ils ont entendu les paroles de l'ange? Peut-être, peut-être pas. Mais ils vont raconter aux autorités en place qu'il est vraiment ressuscité. Au lieu de dire qu'il était vraiment le Fils de Dieu, au lieu de tomber au pied de Jésus et l'adorer comme les femmes ont fait, ces soldats et les autorités en place inventent un mensonge que c'est les disciples qui sont venus le sortir de là pendant qu'il dormait. Et ce mensonge s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour, le jour où Matthieu a écrit son évangile, 20, 25, 30 ans plus tard. Je me suis dit à moi-même, ils ont la preuve sous les yeux. Ils ont vu les gardes, ils ont vu l'ange. Ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Et ils le disent aux autorités en place. Les autorités croient ce que les soldats disent. S'ils ne croiraient pas ce que les soldats disent, ben, il n'y aurait pas besoin de le payer pour qu'ils comptent un mensonge. Ils croient. Ils sont témoins de la résurrection du Fils de Dieu. Mais au lieu de croire, ils comptent un mensonge. Et ça me faisait penser quand Jésus avait dit aux riches, même si quelqu'un des morts ressusciterait et allait leur dire la vérité, ils ne se repentiraient pas. Ici, un ressuscité, un ange de Dieu vient et il voit la résurrection, il contemple la résurrection. Ils sont convaincus que Jésus est vraiment ressuscité. Mais ils ne se convertissent pas. Ceci me renforce dans ma croyance que s'il n'y a pas une intervention divine dans le cœur des hommes et des femmes, il n'y a pas de conversion possible. Les autorités en place aiment mieux leur pouvoir que Jésus. Les soldats aiment plus l'argent que Jésus. Mais nous avons la conviction profonde à cause de ce que nous lisons, que Jésus est vraiment ressuscité. Voyez-vous, nous, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas ressenti, le tremblement de terre. On ne l'a pas vu, l'ange, qui était d'une clarté merveilleuse. On ne l'a pas entendu, on ne l'a pas touché, mais nous le croyons. Nous le croyons tellement que nous pouvons dire, j'ai la certitude que je suis sauvé. Parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas à craindre, parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire que le prix de la mort a été payé et en est sorti vivant. Il en est sorti vivant. Le roi a vaincu la mort. Et tous ceux qui le cherchent n'ont pas à craindre. N'ont pas à craindre. Notre Père du ciel, il est ressuscité, notre roi. Il a vaincu la mort, notre roi. Le ciel l'a proclamé. Les incrédules soldats l'ont dit. Les disciples l'ont proclamé pendant toute une génération après, dans les Actes des Apôtres. Nous avons la conviction profonde que la justice de Dieu a été satisfaite. Tu as été satisfait, notre Père céleste, par la mort de ton Fils. Et c'est dans cette mort que nous nous confions. Nous croyons que c'est pour nous que les morts est ressuscité. Au nom de Jésus, amen.